R22, tout le monde. L'antenne des laboratoires d'Aubervilliers. Corpus, un cycle d'arpentage. Bienvenue à toutes et à tous pour cette première séance de Corpus, qui est un cycle d'arpentage que nous inaugurons au laboratoire d'Aubervilliers. Alors, avant d'entrer dans la lecture du livre de Samia Heni, Architecture de la contre-révolution, je vais vous dire quelques mots à propos de cet atelier, du lieu où il se déroule, et puis de la méthode de l'arpentage, et vous présenter Anis, qui est à mes côtés ce soir. Donc, nous avons pensé Corpus comme un rendez-vous régulier pour découvrir le fonds documentaire, donc la bibliothèque des laboratoires d'Aubervilliers dont je m'occupe. Et nous avons ici un fonds d'environ 3000 ouvrages consultables sur place, avec à la fois des ouvrages d'art contemporain, spectacle vivant, danse. On a un fonds de théorie politique, de littérature et un fonds jeunesse aussi qui s'étoffe petit à petit. Une grande quantité aussi d'ouvrages botaniques autour des questions d'écologie urbaine, de permaculture, en lien avec le jardin de la Semeuse dont s'occupe Ariane. Et on a un fonds en fait, qui s'étoffe au fil des résidences, des événements qui se déroulent au labo. Et notamment la Mosaïque des Lexiques, qui est un rendez-vous, qui est une soirée mensuelle dédiée aux questions de langage. Voilà, pour la bibliothèque. Pour ce qui est de l'arpentage, donc c'est une méthode de lecture qui est souvent présentée comme liée à l'histoire des mouvements ouvriers et à l'éducation populaire. Donc c'est un outil politique des cercles ouvriers au même titre que les assemblées générales, les réunions syndicales, les manifestations, les grèves, etc. Donc dans les cercles ouvriers, il y avait des temps dédiés à la formation politique après les journées de travail, où les gens voilà, se retrouvaient comme ce soir pour lire ensemble et pour discuter de bouquins de théorie politique. Et donc c'est une méthode qui va voilà, donner des outils de réflexion, des façons d'argumenter face au patron. Ça permettait de participer au débat politique et ne pas laisser le pouvoir du savoir entre les mains des dominants de la bourgeoisie, d'une élite intellectuelle qui détiendrait le savoir, le bon langage pour penser, pour réfléchir sur le monde. Voilà, une élite qui serait les seuls capables finalement de pouvoir lire, s'instruire, comprendre des sujets dits complexes. Donc le principe de l'arpentage, c'est qu'en une soirée, on prend un livre, on se répartit chacun un bout du bouquin, et à la fin, c'est comme si on avait lu le livre. Donc c'est une méthode que je voulais expérimenter, parce que elle déplace la question du savoir, et elle permet d'expérimenter ce que permet la force du collectif. À un moment justement voilà, où on s'interroge sur les méthodes d'éducation classique qu'on délègue notamment à l'État, la question de l'éducation qu'on délègue à l'État. Donc c'est une façon de penser le savoir de façon non statique, non figée, non unilatérale, avec quelqu'un qui détient le savoir versus voilà, une assemblée en face qui l'absorbe. Voilà. Donc le but est vraiment de créer du savoir en dehors de l'institution, en dehors de l'agenda politique, et puis c'est un outil pour vraiment créer du savoir commun, et non chacun dans son coin de façon isolée. Et ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu autour de vous, mais il y a des cercles d'arpentage qui se multiplient, à la fois à Paris, à Lille, à Rennes. J'ai vu plusieurs événements passer à droite à gauche et voilà, donc c'est assez encourageant pour un peu exhumer cette méthode de lecture. Pour ce qui est du choix de l'ouvrage de ce soir, donc pour cette première séance, j'ai choisi cet ouvrage donc de Samia Heni, Architecture de la contre-révolution, l'armée française dans le nord de l'Algérie. Donc c'est un ouvrage qui traite de l'usage de l'architecture, de l'urbanisme par l'armée française pendant la guerre d'Algérie, qu'on date voilà, officiellement entre 1954 et 1962. Et disons, la problématique de cet ouvrage, c'est voilà, comment l'État français, l'État colonial français de l'époque, va mobiliser l'architecture, mais d'autres champs d'expertise pour mettre à mal la guerre d'indépendance algérienne. Donc là, à ce moment-là, la France mobilise une grande partie de ses chercheurs, ses scientifiques, et ça comprend notamment les anthropologues, les linguistes, le monde de la recherche des sciences humaines, pour réellement empêcher, mater, anéantir les mouvements des Algériens et Algériennes pour leur indépendance. Donc ça vient, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça vient poser la question de la création du savoir au profit d'un État. Est-ce qu'on est indépendant finalement quand on crée du savoir pour un État en étant chercheur, chercheuse, qui est financé par le ministère de la Recherche? Parce que voilà, le savoir produit peut être mobilisé à tout moment pour répondre à un agenda politique, un contexte historique, un conflit armé, une crise politique, un déplacement de population. C'est un ouvrage qui questionne aussi beaucoup la question de la captation justement des savoirs, des expertises de différentes disciplines qui semblent a priori éloignées d'enjeux coloniaux. Ensuite, un autre aspect de l'ouvrage que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il vient totalement contrecarrer l'argument qu'on peut entendre autour de la colonisation française, qui aurait contribué à moderniser, à amener des infrastructures dans les anciennes colonies, comme voilà, des hôpitaux, des routes, etc. Dans l'ouvrage, on cerne bien que toutes ces infrastructures sont une stratégie coloniale qui est destinée à contrôler un territoire, à installer des populations. Voilà, car l'Algérie est une colonie de peuplement, ça Anis va vous en parler ensuite. Donc voilà, c'est un argument, l'argument de l'aspect positif de la colonisation, qui on le sait, je pense, est totalement fallacieux, mais qui continue à être mobilisé dans certains manuels scolaires, et dans certains débats aussi, pour contrer la question des réparations demandées à la France par les anciennes colonies. Donc avant présenter l'autrice de l'ouvrage, je vais faire un petit détour par Anis Merhoum, qui est là ce soir, auquel j'ai très rapidement pensé en lisant l'ouvrage. Donc outre sa formation et son travail d'architecte que je connais, il a aussi un travail à Alger, dans le collectif ADA, les ateliers d'Alger. Collectif qu'il a cofondé en 2017, qui travaille notamment, mais pas que, dans la Casbah d'Alger, qui est donc un haut lieu, la Casbah d'Alger, un haut lieu de l'indépendance algérienne, et qui est le contre-exemple de ce qui est traité dans le livre, c'est-à-dire que ça a été un espace impossible à enserrer, à contrôler, qui a été notamment bombardé pendant la guerre d'Algérie, est partiellement détruit, parce que c'était la seule façon finalement de s'emparer de cet espace. Donc voilà, Anis, aujourd'hui avec Ada, réfléchit aux moyens d'ateliers, de chantiers participatifs, d'espaces publics dans la Casbah d'Alger et sur toute la capitale à différentes questions. Notamment l'appropriation de l'espace public, notamment du point de vue des femmes et des enfants, qui implique aussi tout le quartier au moment des chantiers participatifs. Et aussi, Agnès travaille en ce moment à la réalisation d'un documentaire qui dresse un état de la société civile algéroise et de l'urbanisme d'Alger, raconté aussi du point de vue des femmes qui ont participé aux ateliers. Donc voilà. Anis était le partenaire idéal pour échanger sur la question de la colonisation en Algérie, qui reste une question épineuse, peu ou mal abordée, une question encombrante en France. Et voilà, je laisse la parole à Anis, qui va nous dire quelques mots sur l'ouvrage et ses problématiques. Alors, merci à toutes et à tous d'être présentes pour cette première session d'arpentage. C'est un honneur pour moi d'avoir l'opportunité de travailler sur la thématique de l'architecture appliquée à la colonisation française en Algérie. Algérie qui est le pays dans lequel j'ai grandi et vécu jusqu'à 18 ans. Merci à Lydia de m'accueillir, à m'inviter à prendre part à cette première session, cette session d'arpentage qui pour moi est une première. J'ai jamais fait ça avant. Je sais que tu entretiens aussi des liens très forts avec l'Algérie et je suis très content de mener ce projet avec toi. Et merci au laboratoire d'Aubervilliers aussi de nous accueillir et de nous permettre d'aborder ce sujet qui est si peu abordé dans les lieux culturels. Je vais me présenter un peu ce que je fais par rapport aux ateliers d'Alger et tout, et faire avec mon bout de parcours, essayer de mettre en perspective avec l'ouvrage de Samia Hani. Donc le collectif Ateliers d'Alger, c'est un projet qui est basé entre Paris et Alger. On a été fondé en 2017 et on est parti. Donc c'est un collectif qui est spécialisé dans la concertation et l'organisation de chantiers participatifs sur Alger. Et en fait, on est parti du constat que les habitants et les habitantes d'Alger n'étaient jamais sollicités dans les phases préalables à l'élaboration de projets urbains ou architecturaux dans leur ville. En parallèle, il y avait beaucoup de mépris de la part des politiques vis-à-vis de la capacité des habitants et des habitantes à décider de leur ville, à construire, à faire du projet. Et le troisième point, c'est qu'on a aussi remarqué que la société civile a été très résiliente et malgré le fait qu'elle ait vécu une succession de guerres, en fait, il y a quand même des réseaux de solidarité qui existent, il y a des initiatives locales en cours, très peu visibles, mais qui existent. Donc le collectif a pour but de catalyser un peu ces initiatives et faciliter un peu l'impulsion de projets et d'appropriation d'espaces publics déjà en cours. Donc en 2018, on a fait notre session pilote d'atelier de quartier, où on a invité 50 femmes sur trois quartiers, donc trois ateliers. Trois quartiers qui sont, pour ceux qui connaissent, El Biar, Bab El Oued et la Casbah. Donc on a réuni ces 50 femmes dans une maison de la Casbah, qui a d'ailleurs abrité des révolutionnaires durant la grande bataille d'Alger. Et ensemble, on a réfléchi à leur quartier, on a fait un diagnostic du quartier, une cartographie sensible, une carte d'identité du quartier. On a aussi dessiné sur papier des mini-projets d'aménagement d'espace public et de composition de façades. Donc ça, c'était notre première expérience. Et ensuite, en 2019, on a réussi à obtenir l'autorisation d'occuper une place publique dans un autre quartier d'Alger qui est tout aussi connu par son passé révolutionnaire et aussi industriel, qui est le quartier de Hamma. Et on a donc fait des ateliers aussi préalables, des ateliers participatifs, notamment avec des femmes et des enfants, pour ensuite commencer la première phase d'un chantier. Et donc on a construit, nettoyé le site, construit des premiers aménagements d'espace public. Et donc on espère que ce projet va pouvoir être mené sur le long terme. Donc le premier constat que j'effectue par rapport à mon expérience et l'ouvrage de Samia Hani, c'est que en fait, nous, si on a réussi avec l'association à concrétiser nos premières actions, c'est ni en termes de financement, j'entends, c'est ni grâce à la France, ni grâce à l'Algérie, mais c'est grâce aux États-Unis. C'est en ayant gagné une bourse aux États-Unis qu'on a réussi à avoir les fonds suffisants pour faire notre première action. Et le lien que j'effectue avec l'ouvrage, c'est que cet ouvrage, avant de trouver une maison d'édition en France, a été publié et édité aux États-Unis. Donc c'est intéressant, c'est assez symptomatique du rapport qu'a la France avec son passé colonial. Non pas que les États-Unis n'aient pas un passé colonial, loin de là, mais c'est quand même intéressant de voir et visiblement, quand il faut parler de l'Algérie, il faut intéresser les États-Unis pour ensuite intéresser la France. Ensuite, le deuxième parallèle que j'ai envie de faire, enfin que je propose de faire, c'est lié à un diagnostic personnel que j'ai sur la ville d'Alger. Si je devais un peu résumer la ville d'Alger de mon regard d'architecte, de jeune architecte, c'est non seulement une diversité exceptionnelle qui est liée aux différentes époques que cette ville a connues, une diversité architecturale, j'entends, et qui fait que Alger est une ville magnifique, mais en parallèle, un patrimoine architectural de l'époque française qui est en très mauvais état parce qu'il est très peu approprié par ses habitants est très peu approprié par ses habitants parce qu'en fait, il n'a jamais été construit pour des Algériens. Et donc, ces bâtiments sont petit à petit en train de se perdre, même si, indépendamment du contexte historique, ça reste des bâtiments intéressants. Et donc, ensuite, le troisième constat, c'est que des constructions neuves et contemporaines qui sont construites sont de très mauvaise qualité, autant formellement que spatialement, et tous les dispositifs préexistants à la colonisation architecturaux très spécifiques qui ont fait la Casbah, qui ont fait plein de villes en Algérie, on a l'impression qu'ils ont complètement été perdus. Donc, en fait, l'ouvrage de Samir Hemni confirme un peu mes intuitions, dans le sens où la France, pendant 132 ans de colonisation, a progressivement dépossédé les Algériens et les Algériennes de leur territoire et de leur habitat. Et tout ça pour les faire rentrer littéralement de force et avec la violence dans un moule français qui n'était même pas, dans lequel ils n'étaient même pas vraiment acceptés. Et donc, en fait, tout ça, j'ai l'impression que ça crée de la part des citoyens algériens, algérois en particulier, parce que c'est ce que je connais, une grande difficulté dans la manière d'appréhender en fait ce qu'est réellement l'identité architecturale et urbaine de leur ville. Et ça crée une grande confusion, même en 2020, après autant de temps passé en indépendance. Le deuxième constat que je voudrais effectuer vis-à-vis de l'ouvrage et de mon expérience, c'est les études d'architecture en France. Moi, j'ai toujours, j'ai étudié, fait tout mon parcours scolaire à Paris. Et le constat principal que j'en tire, c'est que non, que j'ai jamais réellement étudié l'architecture de l'Algérie dans mes études, ni son urbanisme, ni le rapport entre la colonisation et l'architecture, ni les grands projets phares qui ont été développés en Algérie par la France. Et on sait, enfin, en tout cas, les architectes savent que le patrimoine, enfin, l'histoire du mouvement moderne en architecture a connu pas mal de bâtiments emblématiques et de théories très importantes qui ont été développées en Algérie. Donc ça, on n'en a jamais parlé. J'ai dû le découvrir tout seul. Et donc, voilà, donc, l'Algérie dans les études d'architecture est mentionnée un peu comme une toile de fond, comme une espèce de tableau orientaliste, et les habitants non français ne sont jamais mentionnés. Et donc, effectivement, l'ouvrage de Samir Hemni confirme un peu ce fait, parce que en fait, les Algériens ont été traités un peu comme... des sous-humains, ils étaient littéralement regroupés dans des bidonvilles bidonvilles pour musulmans et dans des conditions de vie pitoyables. Et ils n'ont jamais été ni considérés comme des Français, ni égaux, ni quoi que ce soit. Ils n'avaient pas du tout de statut, ils n'existaient pas, en tout cas pour les Français. Et donc, on pourrait se demander, pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant de l'histoire de la guerre d'Algérie, pourquoi autant de violence, pourquoi autant de déshumanisation. Ben, en fait, c'est parce que la France a fait de la colonisation de l'Algérie un réel projet de société qui est de faire une colonie de peuplement. Et donc, créer une colonie de peuplement, ça impliquait faire parvenir et se transporter des générations de Français et de Françaises sur le territoire algérien dans le but de créer de façon durable une société pérenne et vraiment sur le long terme. Et donc vivre en exploitant les terres, les ressources très très grandes, occuper le désert pour y faire des essais nucléaires et y prendre aussi le pétrole. Et donc ce projet de société inclut donc contrôler les corps des Algériens et des Algériennes, autant d'un point de vue symbolique que d'un point de vue physique. Donc ça passe par contrôler les habitats, contrôler les habitudes de vie, contrôler les pensées, contrôler l'éducation, contrôler progressivement pour gommer, réfréner et à terme déshumaniser. Et donc... Je vais finir sur un dernier petit parallèle que j'effectue entre mon expérience et cet ouvrage. C'est que j'ai souvent entendu dans mon milieu d'architecte algérois cette espèce de proverbe comme quoi l'Algérie, c'est un laboratoire d'architecture, et sans trop de recul, comme si c'était vraiment extraordinaire. Et effectivement, l'Algérie, enfin Alger en tout cas, est un laboratoire d'architecture. Mais c'est un laboratoire d'architecture parce qu'on a pu laisser, parce qu'on a, c'était tellement peu surveillé en termes d'administration que les architectes ont pu exercer leur imagination comme ils voulaient. Donc c'était un peu le lieu de toutes les folies. Mais c'est aussi un laboratoire humain, un laboratoire nucléaire, un laboratoire, ça a été du moins pendant la colonisation, et ça l'est toujours d'ailleurs, un laboratoire humain, nucléaire, énergétique, agricole, botanique, un laboratoire de la sexualité aussi, qui a cristallisé et qui continue de cristalliser tous les fantasmes des Français, de la France. Donc aujourd'hui, la question que je me pose toujours vis-à-vis de la lecture de cet ouvrage, qui est très personnel pour le coup, c'est quel est le statut des constructions françaises en Algérie ? Comment est-ce qu'on peut redéfinir ce qui est devenu notre patrimoine hérité, mais de façon un peu forcée ? Donc j'espère qu'en lisant ce livre, je vais pouvoir avancer un peu plus sur cette question en tant qu'architecte. Voilà. Oui. Alors, avant qu'on se lance dans la lecture, je vais juste dire quelques mots sur l'autrice, Samia Henni, qui enseigne l'histoire, l'architecture et l'urbanisme à l'université de Cornell. Donc, l'ouvrage qu'on va lire, c'est, il est issu de sa thèse qu'elle a soutenue au département d'architecture de l'école polytechnique de Zurich. Donc, toujours pas en France. On tourne un peu autour du pot. Donc le livre, comme disait Anis, a été d'abord publié aux États-Unis en anglais. Voilà, elle enseigne aux États-Unis. On lit une traduction depuis l'anglais plusieurs années plus tard. Et cette circulation est assez révélatrice des angles morts en France, qui a encore du mal 60 ans plus. Enfin, 60 ans après l'indépendance algérienne, a digéré son histoire à elle. Voilà, donc il y a ce statut de la traduction. Voilà, on traduit comme on arrache, on extirpe des savoirs à l'histoire française. Et l'autrice parle très bien de la réception compliquée de cet ouvrage en France. Mais ça, on va le découvrir. Alors, pour ce qui est de l'organisation de la lecture ce soir, donc on va déchirer le livre sous vos yeux, c'est Méline qui va s'en occuper, voilà, avec le massicot guillotine derrière. Et d'ailleurs, je remercie les éditions B42 qui nous ont donné cet ouvrage à déchirer. Voilà, donc je ne sais pas combien on est exactement, mais chacune aura le même nombre de pages. On va avoir 45 minutes pour lire. Voilà, en sachant qu'il y a 305 pages, donc je pense que ça ira. Je pense qu'on aura à peu près 10-15 pages chacune, on va voir. Donc voilà, 45 minutes pour lire chacun dans votre coin. On a installé un espace aussi à côté avec Anis, vous pourrez vraiment occuper l'espace comme vous voulez. On va vous distribuer aussi des consignes avec les axes à avoir en tête pendant la lecture. Donc il y a trois axes, les idées fortes du texte, les questions que je me pose en lisant ce texte et ce que je savais déjà. On va également vous distribuer ces fils conducteurs sur papier. Et puis on est là avec Anis, avec Méline aussi, si vous avez des questions. On va participer à la lecture nous aussi. À l'issue des 45 minutes, on va se regrouper par trinôme. On aura 20 minutes pour restituer avec son trinôme sa lecture. Et puis ensuite, il y aura une personne, ou bien, enfin ça dépend des trinômes, soit une personne qui représente le trinôme, soit vous pouvez faire un peu la restitution ensemble. Et puis, on aura 10 minutes Vous aurez 10 minutes par trinôme pour présenter la lecture, et puis ensuite il y aura un temps d'échange, si on a le temps, j'espère. Voilà, mais on va vous redire les consignes à chaque étape. Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Voilà, on déchire le livre. Et les groupes, Oui, on va faire les groupes en même temps. Enfin, pendant qu'on fait la distribution, on va aussi constituer les groupes pour que vous soyez par trois, pour que ça respecte l'ordre des pages. Donc, ça se fait, si chacun fait son groupe tout seul. Ouais. Bah, si vous voulez vous mettre par trois directement, s'il y a des affinités déjà, vous pouvez y aller. Avant de vous voir, il y a l'université de Sarah, sans prendre ce qui s'est passé, le pétrole, les possibles pour les recherches. Ça, c'était une forte question que je me suis posée. J'en suis posé deux principalement. L'idée derrière la cohésion sociale, c'est aussi que la France continue à exercer son pouvoir partout. Et enfin, voilà. Moi, ça m'a posé des questions personnelles à ce niveau-là. Je travaille sur des questions d'insertion par l'emploi, par l'activité économique. Et je vois une continuité assez claire de la politique publique vers des populations qui sont issues aussi pour la plupart de pays colonisés. Donc voilà, c'est la première question que je me suis posée. La deuxième, c'est la légitimité de la Ve République qui est née du putsch des généraux en 58, qui est née d'une volonté de la France de garder sa domination sur l'Algérie. Et du coup, la question de la Ve République qui revient régulièrement, est-ce qu'il faudrait passer à une Ve République ? Bon, ma question, c'est quelle adaptation de la Ve République pour gouverner aujourd'hui comme régime, sachant qu'elle est née dans les conditions dans lesquelles elle est née, d'une volonté de rester en Algérie, d'un putsch et d'une grosse crise révolutionnaire française, en fait, avec des généraux qui prennent le pouvoir. Voilà, ça c'est pour les questions. Ensuite, ce que je savais déjà, c'était l'histoire des travaux forcés. Qu'elle aborde en parlant de la ligne Maurice qui protège les frontières algériennes. En fait, ma grand-mère en Algérie, sur la route entre chez moi, Tixirt et Tizi Ouzou, c'est des espèces de vallées comme ça, de routes très vallonnées, creusées genre vraiment dans la montagne, dans la pierre de la montagne. Et ma grand-mère, elle me dit, quand on passe là, elle me dit, elle se rappelle de ses grands-pères, arrière-grands-pères, ou de sa famille, ou des gens qu'elle connaissait, ou qu'elle aurait pu connaître. En tout cas, elle avait une mémoire très vive de ça. Des gens qui ont construit ces routes par les travaux forcés, en fait. C'était des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui n'étaient pas payés pour ça, et qui sont morts pour creuser des routes dans la montagne par les Français. Donc ça, c'est les fameuses infrastructures qu'on nous a apportées. Un deuxième truc que je savais, c'était que l'Algérie était le QG de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, je suis pas sûr que les gens le savent, qu'on fait l'histoire sur la mémoire sélective. Et après, il y avait le 17 octobre 61 aussi, dont j'avais connaissance, et avec le rôle de Papon. Apparaître en octobre 5 ans après la création des SAS, donc du coup ça va être déçu, je l'avais. Moi je l'ai tout le temps, mais il n'y a pas du tout l'explication de ce que ça veut dire. De l'acronyme, je sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, j'ai un peu compris ce qu'ils faisaient. Mm-hmm. Donc les officiers SAS, ils organisent l'évacuation des villages. Et ils doivent en même temps superviser la construction des camps. D'accord. Donc en fait, un peu partout en Algérie, ils installent des camps de population qui a été déplacée. Et ensuite, dans la deuxième petite sous-partie, elle insiste sur les différents types d'habitats, enfin sur l'habitat qu'ils vont avoir dans ces camps de regroupement, donc déplacement de population, hein, donc c'est criminel, hein. Et donc, il y a 5 types de logements. Je ne les ai pas là sous les yeux, mais il y a les gourbis améliorés, les logements construits avec l'aide de crédits d'urgence, et les logements construits par le CRHR. Là non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire, CRHR. Et enfin, il y a des tentes. Donc ça, c'est les 5 types de logements. Et en fait, ces 5 types de logements, ils se retrouvent partout en Algérie. Il y a pas, dans ces camps de regroupement. Et il n'y a pas de différence entre suivant les climats, suivant les... D'accord, c'est, voilà, c'est tout le temps les mêmes architectures, etc. Et après, c'est hyper détaillé dans des journaux, des chroniques qui sont tenues par ces officiers, là, SAS. Ah oui, donc, voilà, t'as tout qui est... Elle détaille évidemment le mètre carré, comment... Voilà. Et il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est qu'elle parle du mot gourbi, c'est-à-dire que eux, les Français, enfin l'armée française, elle utilise le mot gourbi dans un sens péjoratif, genre c'est la cabane, la baraque. Mais en fait, en algérien, ça voulait dire, en arabe algérien, je pense, ça voulait dire une maison construite en terre avec et de plein pied. Donc les gens des populations des zones rurales, ils doivent partir de leur gourbi, ça s'appelle vraiment comme ça. Et ils doivent construire ce que... Alors, en plus, c'est eux-mêmes qui vont finir par construire leur gourbi, et dans le sens de l'armée française, c'est-à-dire des baraques, quoi, à peine... Ça n'a pas l'air très... En fait, elle décrit assez... Comme elle s'appuie sur les textes là, des officiers, elle ne met pas de termes... descriptifs, négatifs, tout ça, mais elle décrit... avec le nombre de mètres carrés, un truc hyper uniforme. Et elle insiste quand même pour dire que même si c'est gourbi amélioré, par exemple, ça n'a pas l'air hyper confortable. Ok. Voilà. Donc du voilà, coup, moi j'ai SAS, du coup, l'acronyme. Elle montre que l'ethnographie, en renseignant du coup c'était quoi la géographie humaine et la répartition de ces populations sur le territoire, elle a permis de définir où est-ce qu'on allait mettre quelle zone, selon le niveau de rébellion des populations. Donc là, pour le coup, les Chaouis, c'était considéré par ces études ethnographiques coloniales comme les plus résistants, et du coup, c'est là où ils ont le plus fait de dinguerie pour contrôler la population. Et du coup, elle finit cette partie en disant que qu'il y avait un parallèle entre cette politique et l'institutionnalisation de l'ethnographie en France, avec notamment l'exemple du musée de l'homme, si tu voulais aller d'ailleurs, voilà, qui a été renommé musée de l'homme pendant l'exposition universelle de 1937. Du coup, voilà pour ma partie. Pour ma partie, en fait, il y a deux différents axes que j'ai retenus. Il y en a un avec les êtres humains, qui est l'accent qui a été mis sur... qui a été remis sur l'ethnologue Germaine Tillion, et aussi sur la personne qui a suivi après elle, qui s'appelle Soustenot. Et ensuite, il y a aussi le contraste qu'il y avait justement avec les zones de regroupement et les zones de genre détention. Parce qu'en fait, à la fin du chapitre, elle met une espèce de contraste qui était les zones de détention sont les zones en fait où les Français dits comme étant alliés ou bien non dangereux étaient retenus et du coup protégés. Les Français. Ouais, les Algériens, mais c'était... en fait, le truc, c'est que quand il parle de ça, en fait, du point de vue de Soustenot et Tillion. Donc, du coup, en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Tillion est une ethnologue très connue, elle connaît les Chaouis et compagnie, mais elle a peu de pouvoir, en fait. La personne qui va vraiment prendre un pouvoir dans sa même lignée est le général, justement. Je crois qu'il s'appelle Lucas Soustenot. Et lui, il est venu, en fait, de l'Indochine. Il a travaillé là-bas, il a été... Enfin, il a du coup... Voilà, j'appelle Soustenot. Ouais. Désolé. Soustel. Ouais. Soustel, en fait, est celui qui avait travaillé. Après, il y a eu différents positionnements, etc. Puisque c'est sur une période assez longue, donc il y a eu des changements, il y a eu différents positionnements. Mais du coup, ça permettait de classifier aussi les personnes à l'intérieur. Donc, dans cette catégorisation d'indigènes, ça permettait de classifier les personnes qui étaient en voie d'intégration et celles qui étaient en gros. Enfin, voilà, il y a pas ces personnes-là ne pourront pas. Elle parle à un moment donné de baguette magique. On pourra pas transformer ces populations d'un goût de baguette magique en citoyens français modèle, quoi. Et donc, c'était aussi voilà. Et donc, il parle d'évolution graduelle. Ça c'est le discours qui est justifié, qui permet de justifier ces logements semi-urbains, qui sont en fait qui viennent en réponse au fait que la remaniérisation de l'urbanisation de d'Alger fait qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des bidonvilles, taudis, etc. Et qu'en fait, ça ne va pas avec l'image de la France. Donc en fait, pour contrer ce truc-là, il décide de construire des habitats qui sont super... qui correspondent à ces bidonvilles, en fait. Enfin, je veux dire, c'est très similaire, sauf que ils sont fomentés par l'État. Donc ça change le statut, ça devient plus des bidonvilles, ça devient quelque chose qui est pensé, voilà, mais qui correspond à ce truc-là. Et en fait, je voudrais juste lire un... C'est ça. Il parle aussi beaucoup de la situation actuelle en Algérie qui est comparable à celle de la métropole 10 ans auparavant en sortant de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est vachement dit. Tous les architectes qui sont employés sur la fin, ils sont habitués au chantier des colonies en Afrique subsaharienne, Casablanca. Et ils ont tous l'esprit grands ensembles de l'après-guerre en métropole. Ils sont tous en mode on va construire des gros blocs, on va mettre tout le monde dedans. Et après, on reparle de propagande sur la fin avec la revue française Urbanisme qui est vraiment consacrée à l'Algérie en 1961, donc vraiment sur la fin de la guerre quand tout explose, quoi. Et du coup, ça vante les plans d'aménagement urbain, les grands ensembles, les logements de masse, les cités de regroupement, et ça parle pas du tout de ce qui va être des logements sur c'est ça que j'ai oublié de noter. Et bien sûr, quand tout ça, jamais il parlait de... Non, t'inquiète, la musique, c'est pas... Il était traité directement. Il était traité que dans notre article. Ensuite, il y a des questions rhétoriques qui reviennent. Par exemple, était-il nécessaire de concevoir et de construire des logements qui répondent au style de vie actuel de la population algérienne? Ou est-ce qu'il faut plutôt les adapter au mode de vie et de consommation à la française ou à l'européenne? Du coup, il y avait plusieurs débats. T'en avais qui pensaient que les Algériens devaient se mettre à habiter dans les logements de type européen et donc du coup pourraient consommer plus et participer à cette consommation. Et t'en as d'autres qui disent que... c'est pas en opposition. Enfin, ils gagnent pas suffisamment d'argent pour vivre pareil, donc du coup, il faut quand même les différencier, les recaser. Enfin bref, il y a plein de différents débats qui sont genre qui fusent autour de ce sujet. Et il y a juste la dernière citation que je vais donner, c'est Alger, capitale de l'Algérie, forme avec ses faubourgs une ville de 360 000 habitants, en grande majorité français ou d'origine européenne. Quatrième ville de France, par le chiffre de la population, elle possède, par sa qualité de capitale, un caractère suffisamment personnel pour échapper à... Ok, ça c'était la première citation. Deuxième, c'est « Alger n'est plus la ville d'Orient de jadis. On y trouve peu ou pas d'exotisme, sauf dans le quartier indigène, dans lequel d'ailleurs les Européens d'Algérie ne se promènent guère. C'est une ville moderne, éclatante et vivante qui ne ressemble à aucune ville de la métropole. » Donc ça, c'est un article qui est issu de cette exposition de la cité moderne d'Alger. Et voilà, c'est genre le commissaire général qui présente un peu Alger, tous les projets qui sont faits, le contexte dans lequel c'est fait. Les pièces séparées, on ne sait même pas la taille des chiens. Du coup, c'est pour ça que ils signalaient pas la taille des toilettes parce qu'on n'avait pas forcément en fait. C'était un peu le mission volontaire. Oui, c'est ça. Donc 91% de la population à la fois algérienne et coloniale européenne va se prononcer pour l'indépendance. Avec coopération. D'accord. Ok. Donc ça c'est assez intéressant de voir ce qu'on retient, tu vois. Ouais. Finalement c'est l'indépendance, mais à certaines conditions, quoi. Ouais. Ça c'est quelque chose qu'on élude assez rapidement. Okay. J'ai l'impression dans... Oui, c'est quand on parle, mais c'est clair, parce que moi, c'est pour ça que je vois, il y a un paradoxe. quand pour moi, à partir du moment où il y a accord déviant, pour moi, c'est la fin. Et c'est, tu vois, genre, dans ma tête, c'était ça. Et en fait, là, tu te rends compte que non, ils ont des plans. Ils ont des personnes qui réfléchissent à mettre des plans pour encore continuer d'exercer une domination sur un territoire que, sur lequel ils veulent absolument garder la main, quoi. Ouais. C'est clair. Ouais. Et puis, on voit aussi que, tu vois, genre, quand on parle des populations... Ouais, là, je sais pas si c'est toi qui m'as parlé du plan de Constantine. Je connaissais pas le plan de Constantine, donc j'aimerais bien savoir un peu plus ce que c'est. Visiblement, c'est 59. C'est ce que tu as dit. Alors, est-ce que c'est 59 ? Dans son article de réaction patronale au plan de Constantine. Et donc, c'est en 61, mais le plan de Constantine, je pense qu'il vient avant. Ouais, ça, ce serait intéressant pour en sachant un peu plus. Du coup, je ne l'ai pas. Alors. Ouais. Je crois que c'est vers les années 60, c'est 1960. Une note d'information diffusée par Delouvrier, qui est donc l'architecte, le 3 juin 1960, signalait ainsi l'existence de deux versions rivales. La première était que le plan de Constantine a pour but de permettre un développement ultérieur de l'économie algérienne à un rythme suffisant, avec une aide de la France métropolitaine réduite à partir de 64. Donc je pense que c'est ça, enfin... C'est les années 60. Ok. Et la deuxième question que je me posais par rapport à ce projet, c'était pourquoi c'était aussi important. Il y avait 30 000 habitants, ils avaient programmé. Donc c'était vraiment une... Je ne sais pas combien il y avait d'habitants à Alger à ce moment-là. Mais j'aurais voulu savoir pourquoi ils avaient dimensionné la ville à 30 000 habitants. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui reste de ce genre de projet, quoi ? Comment ça se transforme ? Comment le site de Rocher Noir, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui ? Et est-ce qu'il est habité ? Est-ce que ça a été réinvesti par les Algériens après l'indépendance ? Est-ce que ça a été détruit ? Et en fait, qu'est-ce que ça engendre, même en termes de rapports sociaux, en fait, avec... les gens qui ont habité là, ou les gens qui vivent autour de là, voire autour de ce site, quoi. Donc, voilà, moi, c'est une question. De plan en damier, de... de structuration de l'architecture, finalement. Pardonnez-moi. Qu'elle s'est construite dans un contexte hyper violent, ni économique. Est-ce que tu savais déjà ? En connaissant le background, c'est un peu... Pas grand-chose par rapport à ça, on est d'accord. Non, c'est très détaillé, donc je pensais pas que c'était... qu'il y avait autant de plans d'aménagement, en fait, que c'était allé à ce point. De vouloir vraiment tout détruire et tout reconstruire. Je pensais pas que c'était vouloir faire place rase et... Je pensais qu'ils avaient juste déplacé, mais pas autant reconstruit. Là, il y a une carte.